s'arrête, où tout se rejoint, là où l'on marche tout seul, son livre à la main, son livre préféré, que l'on apprend par cœur pour le dire un jour à quelqu'un. Puisqu'il brûle tous les livres, ivres de rage, nous brûlerons-ils jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière page. J'apprends mon livre sur le bout de mes dix doigts, un livre magique qui ne parle que de toi, de toi. Je te retrouverai dans la forêt gelée, là où sont tasselés, là où sont tasselés, vagons désaffectés. S'arrête, où tout se rejoint, là où l'on marche tout seul, un livre à la main, le livre qu'on préfère et que l'on n'apprend pas que pour le dire un jour à quelqu'un, si par malheur. Puisqu'il brûle tous les livres, ivre de rage, nous brûlons-t-il jusqu'à la dernière.